cryptographie. De Yann Corridian et Sophie Quinton. Premier épisode. Bah, vas-y, goûte, fais pas ta tiédasse. Oh, ta tiédasse, au secours. Pardon, pardon, je sais, c'est... Vulgaire, ouais, oh. Vulgaire. Encore combien de temps? Une heure. Enfin, deux officiellement, mais on peut dire qu'il y a du décalage horaire. On n'a pas bougé. Nous, non, mais lui, oui. C'est un agneau écossais. Je l'ai acheté chez le boucher rue Poliveau, en bas de chez ma mère. Il y a combien d'heures de décalage avec l'Écosse? Une heure? T'as vu ta mère? Non. Oh, tu te rappelles le Ben Hope? Ouais. La route toute pleine de passe-mi-plaisse et de moutons fiers et sauvages. Et si ça se trouve, celui qu'on mange ce soir, bah, on le connaît. Hein. On connaît ses parents, quoi. Enfin, pas vraiment, mais on les a croisés une fois au moins. Hein. Ah, c'est le tien ou c'est le mien? Le mien. Vas-y, écoute, là, j'ai les mains mouillées. Hein. Dis-moi qui c'est. C'est ton oncle. Christian. Abdel? Abdel, oui. Mais c'est dingue, il existe vraiment. Je savais qu'il existait, mais là, l'entendre, c'est la première fois que j'entends sa voix, non? Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il veut? Son argent, enfin, je crois, il dit qu'il est à Damas et qu'il prend un avion pour Paris. Et que donc... Il veut son argent, putain, mais je l'ai pas, moi. Il a dit combien? Attends, je mets le message sur haut-parleur. Allô? Olivier? Olivier, tu es malade? Tu as une drôle de voix. Non, c'est Émilie. Quitte pas Giovanna, je te passe Olivier. Sinon, oui, moi ça va, hein. J'ai une existence qui t'intéresse pas, je sais bien, mais je suis en pleine forme. Salut. Oh, mon chéri. Tu peux passer chercher Oumi à la danse ce soir? Salomé est malade. C'est où et à quelle heure la danse déjà? Bah 18h, à côté de la source, vers la tour Maubourg. Mm-hmm. Une baie vitrée sur la rue en rez-de-chaussée. Mm. Tu pourras rester dormir après si tu veux. On est toutes seules avec Oumi ce soir et je suis pas super en forme. Non, je fais plus ça, moi. Je reconstruis ma vie, merde. Je fais plus ça. Je la dépose après la danse et basta. Oh, t'énerve pas. Tu es son parrain, hein, je te signale. Et nous... Quoi, nous? Bon, rien, mon chéri, rien. Ah bah je te laisse, j'ai un double appel. Ouais. Ciao. Mm. Ça va durer longtemps, votre petit manège à tous les deux, là? Non, mais c'est limite, quand même! J'existe et je suis ta femme, quoi! Alors la Giovanna, elle peut pas se trouver un mec! Ouais, ouais, non, mais t'as raison. Je... Comment tu vas faire pour l'argent? Tu l'as pas? On ne l'a pas, je te signale. Pour le meilleur et pour le pire, tu te souviens? Ok, c'est souvent le pire, j'avoue, mais le meilleur va bien finir par pointer le bout de son nez, mon amour. Ouais. Il reste quoi des 1 000 euros de ta mère? L'argent pour mon permis moto? Bah oui, ton cadeau pour tes 40 ans. J'y crois pas que t'es 40 ans. Je suis vieux et gros. Et presque chauve. Eh oui. T'es dégueulasse. Toi, t'es toute petite et puis aussi, t'as souvent comme une petite croûte là au niveau Tais-toi, de... stop, terminé. Je suis enceinte, t'as pas le droit. Tu fais pas dans la demi-mesure, hein. Le bébé ne risque rien quand tu éternues comme ça. Enfin, il risque pas de se cogner à la paroi de ton placenta. Utérus. Ah, arrête, ça me dégoûte un peu quand tu dis utérus. Ça, c'est trop médical pour moi. Comment on va faire pour cet argent? Il reste 256 euros de mon cadeau d'anniversaire. On a le gaz et la cantine de Paul à payer. Enfin, il reste rien, quoi. Bon, on fait quoi avec l'agneau? J'ai faim, moi. Je suis angoissé, mais j'ai faim. Ça me coupe jamais l'appétit, l'angoisse. C'est con, hein? Je t'ai raconté quand mon père est mort à Clermont avec mon frère au restaurant. Ah oui. Tu m'as déjà raconté la pièce de bœuf engloutie alors que tu venais de donner les organes de ton père. Parfois, tu me fais peur. Peur? J'ai fait des pois cassés. Ah. Trop la dalle! Ça pue un peu, non? C'est quoi notre régime alimentaire ce soir? Qui a dit utérus? Personne. Salut mon Paul. Je t'ai pas vu ce matin. T'as passé une bonne journée? 3 en maths. Oh. Quoi? Oh merde, Paul, il faut que tu te ressaisisses, quoi. T'as le bac à la fin de l'année. Tu sais ce que c'est, toi, le bac, papa? Oh, Paul, s'il te plaît, tu sais bien que ça, c'est bas, hein. Je sais, mais c'est trop tentant à chaque fois. Et non, j'ai pas eu 3, j'ai eu 17. Un truc de ouf. Christian m'a laissé un message. Tu veux dire Abdel? Il existe pour de vrai? Oui, et figure-toi qu'il veut son argent. Tu lui dois combien, à lui? 4 000. Oh la vache! Il reste quelque chose de l'argent de grand-mère pour le permis de papa? Ben, si on paye ta cantine au lycée, non. C'est dégueu la cantine, mais c'est bon quand même. On va payer, s'il vous plaît. Et puis, pas besoin de moto, on a le scooter. Enfin, c'est grand-mère qui va péter un câble si elle sait qu'on a claqué son argent pour les courses. Oh, c'est un cadeau, cet argent, j'en fais ce que j'en veux, non? Et puis je vais le passer, le permis, c'est juste une question de temps, un petit délai. J'ai 40 ans pendant un an, de toute façon. Ouais, j'avoue. Je peux regarder? Ok, on est en mode Moyen-Âge, gigot et poids cassé. On mange avec les mains ce soir, alors? Bon, je file dans ma chambre. Vous me sifflez quand on passe à table? Je vais voir si Abdel a un Facebook. Faut être con pour un Facebook. Bon, chérie, on va faire comment, alors? Bon, tu dois téléphoner à ta mère. C'est quand même sa sœur. Et téléphoner à Boris, c'est quand même ton frère et son fils à elle aussi, et lui son oncle, enfin tu vois quoi. Faut pas que tu restes seule avec cette nouvelle, même si c'est toi qui dois de l'argent. D'ailleurs, c'était pour quoi tout cet argent? Un fusil. Pardon? Un quoi? Non, laisse tomber. Non, je laisse pas tomber, un fusil. Un vrai fusil. Avec des cartouches, une crosse et... enfin tu sais, mais si, appuyer... Une détente? Oui, une détente. Un fusil, je te dis. Mythographie de Yann Corridian et Sophie Quintan. Premier épisode. Avec Guillaume de Tonquédec, Laure Calamy, Johanna Nizar, Thomas Agols, Éric Arson-Macarel. Bruitage, Patrick Martinache. Équipe de réalisation. Bernard Laniel. Emmanuel Armin. Yaël Mandelbaum. Laure Egoroff.